François Copé, Menuet. Marquise, vous souvenez-vous du menuet que nous dansâmes? Il était discret, noble et doux comme l'accord de nos deux âmes. Au bocage, le chalumeau a ses notes pures et lentes. C'était un air du grand Rameau, un vieil air des Indes galantes. Triomphante, vous surpreniez tous les cœurs et tous les hommages, dans votre robe à grand panier, dans votre robe à grand ramage. Vous leviez de vos doigts gantés, et selon la cadence douce, votre jupe des deux côtés, prise entre l'index et le pouce. Plus d'une belle à Trianon enviait, parmi vos émules, le manège exquis et mignon de vos deux petits pieds à mule. Et, distraites par le bonheur de leur causer cette souffrance, à la reprise en la mineur, vous manquâtes la révérence.